Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 4 courant une communication à propos des menées téméraires et lâches de pression internationale anti-nord-coréenne des forces hostiles apeurées par nos réussites successives dans l'industrie de l'autodéfense nationale. En voici le résumé. Le Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau adopté le 3 juin la soi-disant résolution de sanctions mettant en cause le lancement de notre fusée balistique destinée au renforcement des armements nucléaires. Élaborée pendant longtemps par les États-Unis et la Chine, cette résolution a défini comme objet de sanctions supplémentaires les organisations et individus liés au plan nucléaire et de fusées coréens. Précédemment, les États-Unis ont publié de leur part la sanction séparée contre notre pays, y ont inclus les entreprises et individus de tiers pays tels que la Russie, qui semble avoir lien avec nous à la sanction secondaire. Adopté de force au Conseil de sécurité de l'ONU, le projet de résolution de sanctions mis au point à leur gré dans la coulisse par les deux pays et l'imposé à la communauté internationale sous l'enseigne de sa volonté générale, est l'expression évidente du diktat et de l'arbitraire, poursuivant seulement les intérêts unilatéraux aux dépens de la justice internationale. Il est clair que le renforcement de nos armements nucléaires est l'exercice de la souveraineté juste destinée à repousser les menaces de guerre nucléaire et les menées de pression sans précédent des États-Unis, à défendre la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans la région, et à réaliser la vraie justice internationale. Ces deux pays ont la dernière fois parlé d'une certaine négociation, mais cela est inconcevable avec des conditions préalables injustes et la pression suprême. Jusqu'au moment où les États-Unis et leurs suivistes optent pour un choix correct après avoir trouvé la source du problème nucléaire de la péninsule coréenne et le moyen de sa solution, les engins Chuché d'haute précision et diversifiés seront lancés successivement et étape par étape pour bouleverser le monde.